s'arranger. Désolé. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Et tant biso yako sala trop occupé avec ma cour réseau pour ça le mois prochain. Hein. On accélère un peu peut-être pour rattraper quelques amis oyo bazana nous kolala na makambo Italie Congo. Et yango besoin mon présence na biso et comme moi rapide hein, comme moi rapide. Et alors d'abord, avant tout, les amis sur Facebook, Boyebi qui est ces derniers temps, ma vidéo Nabiso sur Facebook est commis saboté. Et na zosenga na bandeko oyo bazali na Facebook, Naebi qui est na Kinshasa, ba méga et zapasi, mais bon, ça a quand même moins fort, il y a que ça la n'infisque. Qu'on s'enregistre dans la chaîne Nabiso YouTube. Dans le bac, il y a un jour, on ne sait pas. Bon, c'est condamné car il y a été que non, bah, méga, et ça passe. Donc, pour nous, ti bamboule koya, on ne sait jamais, bah, méga, il y a lobby, il y a après-lobby, ou bien quelques minutes, bah, méga, il y a un bongo, son bah, méga. Donc, ce que j'ai, bah, méga, bah, vidéo, n'a bise, ça sur YouTube, ou qu'il y a l'andango, mais bon, s'inscrire d'abord. Et comme il y a saboté, hein, bah, comme il y a saboté, bah, vidéo, n'a bise, ça dérange. Tu sais très bien qu'ils ont dérangé. Et l'autre, tu sais, ça, les alli caca, bon, s'inscrire na YouTube et aller gratuit et ok au télécharger youtube.com ou bien .fr na téléphone na yo et par la suite et ok na prof yombi vision prof en abrégé hein, prof yombi vision et wana ko yiko s'abonner. Et puis, au cliquer bah, notification parce que ceux qui sont en live, ils ne sont pas là. Et pour éviter ceux qui sont là, il y a Facebook, ceux qui sont là, ils sont là. Tu mets qui coach un système qui est protégé. Tu éviter ceux qui sont là parce que ils attaquent les bandes de Konabiso, les Milovor, tu as Félix, comme il y a Kabeyaka Air Force. Et ils allaient quoi attaquer spirituellement, physiquement et techniquement. Ils allaient quoi attaquer. Ma Panzani est belé. Ça, on ne blague pas. Ma Panzani est belé, est belé. Et pour nous juste que saboter ce que nous faisons. Alors, on a vérifié Nabino, Lina Alonia, Alonia ou Atonia, je pense. Est-ce que vous allez quoi bien? Y a Facebook, bah, de quoi Facebook, vous allez comprendre bien? Merci, Nabandeko, vous allez alerter Bissot automatiquement s'il y a un problème, il y a son. Vous allez alerter Bissot, merci Mingi. Donc, et quoi qu'on capte à tout moment, et voilà pourquoi nous vous demandons de passer et de passer na YouTube pour la sécurité. Hein. Et Facebook, c'est une plateforme pour la sécurité, ma capacité. Alors, sur YouTube, vous allez bien sécuriser. Les sons, très bien, oui, pour les amis sur YouTube, ça ne pose pas de problème. Je pose cette question aux amis qui sont sur Facebook, parce qu'à tout moment, c'est notre plateforme de Facebook qui est sabotée. Voilà, 5 sur 5. Mais merci, Bob. Merci beaucoup. Voilà, donc, nous sommes venus aujourd'hui, juste pour nous faire un bon cannabis. Bazali na YouTube, on a déjà tout ce titre, une journée virtuelle pour le docteur Denis Mukwege. Bandekotozali ko zongela likambo oyo ya Denis Mukwege. Bomona yango blague. Denis Mukwege azali na menace na ndenge ya kosakana te. Menace ezouta na Rwanda, vous avez suivi James Kabarebe. Menace ezouta na soi-disant les Congolais au Bazali Kobenga, et même s'appelle Congolais, mais ils défendent toujours la position du Rwanda, bandeko oyo Bazali Kobenga, banya Rwanda ou bien banya Mulenge. Denis Mukwege azali na menace na groupe mususi ya bandeko oyo récemment depuis que Félix est arrivé au pouvoir oyo bakomi kozwa position ya Rwanda. Alors, ba menace wana ezali vraiment ebele, excusez-moi. Ba menace wana ezali vraiment ebele oyo ezali kotinda ke en tout cas ezali responsabilité na biso ba Congolais to protéger Denis Mukwege. Tozali ko protéger ye parce que azali patrimoine na biso, parce que azali fierté na biso, parce que azali mutu oyo azali d'abord ko protéger ba mama, mutu oyo azali ko reconstruire ba mama, mutu oyo azali ko pesa susu vie esengo pona ba mama. Alors balobaka ngo très bien que oyo azali ko sauver ko protéger ba mama, azali ko sauver ko protéger ba humanité, azali ko protéger humanité plutôt. Et avant na kota na ba détail, je propose na bandeko nyonso ya ba Congolais oyo bazali na ba espace ya media boye. Bandeko nyonso oyo bazali na facilité ya koloba que batu mi balé, batu mi misatu, batu plus un, ba yoka maloba na ye. Nazali ko proposer entre biso de choisir une date. Je me propose, par exemple, tokoyi kolobabon, semaine y a le 23, semaine y a le 23, ti tokoma na suka ya semaine le 23 ezali dimanche, ti tokoma dimanche ya semaine oye kolanda kuna, donc le 30. Bisonyonso to sala tout ozali na Facebook, ozali na YouTube, ozali na Twitter, ozali na WhatsApp, ozali na Skype, ozali na eloko nyonso ya réseaux sociaux oto zali ko utiliser tozwa une semaine yo moko na ndako na yo, yo moko na musala na yo, soit na ba collègue na yo, vous enregistrez par exemple une minute ya pamba ou bien quelques secondes, 30 secondes de dire Mukwege est le prix Nobel de la paix. Menacer Mukwege, c'est menacer la paix. Mukwege protège, reconstruit le femme. Détruire Mukwege, c'est détruire l'humanité. Donc, ma phrase moko simple, je suis Mukwege, protégeons Mukwege. Protéger Mukwege, c'est protéger de femmes. Protéger Mukwege, c'est protéger la paix. Je vous assure, mes chers amis, tozali kosakana te. Boyebi ke Mukwege azali souteni na ba institution mingi internationale. Mais attention, bandeko oyo bazali na habitude yako zala na ba institution internationale, ba ONG, na système ya ONU, nyonso wana, boyebi comment est-ce que ça se passe? Tokoyiko bomba na yango te, bandeko o bakenda deja, bazali ba membre ya ba institution internationale, ba yebi, makambo oye le karandenge ni. Ce sont les intérêts de pays qui comptent. Ba institution internationale préfère regretter après. Kolobao sorry, kolobao désolé, toyeba ki yango te, ou bien on a agi en retard, mais déjà ma bé si est salami. Vous allez voir si la personne physique de Mukwege est touchée. Lelo, ce qui ama Mukwege balongoli yango. Vous allez voir batunyo sur l'institution internationale anyo so bakoya na ba message ya regret. To regretter. Mais na tango bazo menacer Mukwege, bango bazo mona. Alors, pourquoi bazo agir te? Bazo agir te parce que ba intérêt ya ba mboka na bango, ba intérêt ya ba donateur na bango. Parce que aujourd'hui, beaucoup mona ONG moko par exemple, ba donateur o ba pesa kambongo chaque année qui dépense beaucoup d'argent pour na bango, budget na bango ezo compter na ba donateur wana. Alors, bakoyi kozwa position T. Par exemple, nakoyi koloba une entreprise anglaise. Oyo ben terrain na bango bazali kozwa na Congo passe par le Rwanda. Alors, cette entreprise, par exemple, ezali donatrice ya ONG Mokoboye X. Alors, devant la situation ya Congo, ONG wana ekozwa position te côté la Congo parce que Congolais parce que ceux qui bazui position au côté la Congo donateur na bango o yazali kozwa mbongo ya ba minerai ya Congo akokata mbongo apesa ka bango. Moi je travaille na ba organisation internationale, je connais comment ça se passe. To diskitaka, bo diskite comme ça, vous vous retrouvez isolé yo moko sel. Toujours il y a cette stratégie qui vient, il y a démocratie. Bozali ba décideur, Bozali ba président ba ONG. Maintenant, il y a une situation de prendre position. Voilà, vous débattez. Yo lobi, non, voilà, pour ça, pour ça. Pour... Au convaincre Bango. Mais ils te disent, oui, monsieur Yombi, vous avez raison. Mais, Bissopé Tozali n'a obligation, il y a qu'au protéger survie à ONG na Bissot. Parce que cette entreprise qui nous aide, qui nous finance, ceux qui ont une position pour le Congo, par exemple, cette entreprise a financé Bissoté, ONG, et ça l'a sauté. Vous comprenez? Donc, la situation Yaboyé, c'est juste la responsabilité des citoyens congolais, c'est de la responsabilité des citoyens africains, c'est de la responsabilité des citoyens du monde qui sont lésés. Kaka Bissot, la pression na Bissot, on peut protéger le docteur Mukwege. Je vous dis que le docteur Mukwege est attaqué par le Rwanda. Le docteur Mukwege est attaqué par les Banyamulenge, Banyarwanda. Le docteur Mukwege est attaqué par l'UDPS, est attaqué par le pouvoir de Félix sous couvert. Il y a UDPS, Nabamba, Bandeko na Bissot, Oyo, Badjaloliste, Obazali Kokoumissa, Félix Tshisekedi. Parce que, au fait, soutenir la position de Félix, du docteur Mukwege, il y a un problème avec le soutien, il y a Félix. Parce que Félix soutient le Rwanda. Félix soutient le Rwanda. Le Rwanda est allié auteur principal. Il y a la plupart de morts, de massacres dans Mboka na Biso. Tous ces gens qui viennent chez nous, ils ont la FDLR, ils ont la banane, ben Interahamwe, tout le monde là, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Parce qu'au fait, aujourd'hui au Rwanda, on s'est dit, bon voilà, est-ce que vous avez vu un tout titillé, un Congolais? Oui, tout le monde a Bango. Bango, ils disent toujours que les gens qui tuent des Congolais dans l'Est ya Congo, ils allaient battre à FDLR. Mais Batona Bazali Banani, Bazali ba Congolais, Bazali ba Sénégalais, non, ce sont des Rwandais. Alors, Félix soutient les Rwandais. Ils allaient à Kobombaté, ils allaient à Kouexpliquer, nous n'avons pas besoin de mathématiques pour nous comprendre. Yango. Félix lui-même le dit à tout moment. Félix est parti na Kigali. Félix a sali nyonso oyo akoyi kosala tapis rouge sa femme bomoni kuna danse loketo na ndenge moko osakana te na Congo à part ndenge bandai kobi na banzembo ba concert ya Zaïko na Londres mais la femme de Tshisekedi au Congo totikali komona yete ata sourire ya pamba c'est une femme comme si aza lokola nyoka longo asekaka penza te mais ezali hypocrisie c'est une hypocrite. Accueilli na Rwanda, minu tina suka, nyonso 32, nyonso monani. Dans sa zo buka luketu na nenga osakanate. Yeba nze mwana bande yiko yemba wana yaki na Rwanda, yebe laki ya mwono wapi. C'est une Congolaise avant de na Londres. Alors, banze mwana nyonso, bapa azo beta bapa nyonso très bien. Nzembo ya kutimu na bango kuna. Ayebi yango ndenge nini. Na ebite peut-être ça qui répétition rapidement, mais je voulais dire que Félix Azali a lavé les Rwandais, a lavé les Ougandais, a lavé les Burundais, Bangote Batouazali Koboma Bakongolais dans l'Est, plus de 12 millions de morts, Alors maintenant, la question est de poser, si un président vous dit, bah Rwanda te batu bazali koboma, bah Ouganda te batu bazo boma, bah Burundi te batu bazo boma, alors, osuki wana me oza président te, wapi responsabilité na yo. Comme yo ozali président, vous êtes mieux informé. Vous avez découvert que ce massacre au Congo, ce génocide congolais, est causé par Barwandété. Alors, est-ce qu'on a initié enquête pour déterminer qui tue au juste les Congolais? Nani azali ko bomba ba Congolais? Yo lobi batwana te, o lave bango. Mais, kosuka wana te, responsable asuka wana te, leader asuka kandeng wana te. Leader est remarqué que batu oyo, peut-être entre guillemets, abusivement, ils sont accusés que bango bazali ba auteur, y a ba massacre, y a génocide na mboka na ngai. Lokola nga na komi président, avec les informations au nazan nango y a ba source sûre, que ezali bango te batu babomi, alors responsable président, moto o azali censé de protéger ses citoyens, akosuka wana te, akuinitie enquête. Enquête nationale ou bien enquête internationale pour déterminer bah auteur, il y a génocide, il y a bah massacre ou isolé kanambokanayo. Mais quand vous voyez un président se limite à laver batu oyo tout le monde noir sur blanc, même Satan lui-même connaît que le massacre au Congo, les génocides congolais, c'est perpétué par les Rwandais. En grande partie, les Ougandais, les Burundais. Même Satan lui-même a yebiyango. Mais notre président a yebiyangote. Alors, ceux qui ont lobby aux alliés leaders, ceux qui ont lobby aux alliés béton, aux ceux qui kakako lave batu oyo, Satan yemoka lobby bango batu bazoboma, yo lobby bangote, au contredire même les Satan. Alors, il faut initier enquête, to yeba, nani azoboma batu namboka na biso. Alors, je disais que le docteur Mukwege, les amis sur Facebook, s'il vous plaît, bo signala ici, il y a un problème, il y a un sabotage, hein, pour que Nakata. Alors, si ba Rwandais bazali ko attaquer docteur Mukwege, et bandi les loti, vous savez, ba garde ya docteur Mukwege bazali ba batu ya Nations Unies. Docteur Mukwege azali protégé na ba garde ya Kongote, na la police congolaise. Docteur Mukwege azali protégé na la police onusienne. Mais boyebi na lobaki yango dans une des vidéos que l'ONI ezali association ya beta ezali biso. Ben intérêt ya beta ezali ko primer. Boyebi liwa Lumumba. Batu ba planifier liwa Lumumba, ba utiliser ba nani po ba ya ko kanga Lumumba. Ba utiliser ONI. Et à cette époque-là, c'était ba casque bleu ghanéen affecté par l'ONI na Congo. Ba bengisi ONI aya parce que insécurité ezali na mboka na biso. Sans le savoir, Lumumba naïf qu'il était. Or, na kati siko ya batuana ya ONI batindaki, mission na bango ezalaki pona ko sécuriser Congo te, ko sécuriser ba dirigeants ya Congo te, mission na bango ezalaki pona ko landa Lumumba bakangaye po babo maye. Bien que nakati wana ba Congolais bazalaki, Mobutu était impliqué, Tshisekedi était impliqué, Kamitatu était impliqué, Batubabomboko était impliqué. Pour les cas de Kamitatu, moi je connais. Que Lumumba na tango azo tambola azo kima, il a traversé par, il est passé par les Bandundu. Kamitatu tellement na Masimanimba populaire. Naïf que nous sommes, Batubandundu, Batubamasimanimba. Kamitatu a infiltré Lumumba partout où Lumumba passait. A komi na Kenge, Kamitatu informait Mobutu. A komi na Kenge. Lumumba arrive na Masimanimba. Lumumba komi na Masimanimba. Partout Lumumba bandai koleka, Kamitatu informait. Et pourtant, Lumumba savait très bien que Kamitatu, bazali batu oyo, bazali peut-être ko soutenir yé. Nzokande a yebaki te ke batu lokola ba Kamitatu, Masamba, batu lokola ba Tshisekedi, étaient des espions ya ba Belge. Et zala ki ba jan sekre ya ba Belge. Voilà. ONI, ba juye, a sepeli peut-être ke nazali na sécurité, jusqu'à ce que ba yeko livre yé pa ya Mobutu. Mobutu atindiye na Bakwanga. Bakwanga kuna suite boyebi ti ndenga komaki na Katanga. Et avec le docteur Mukwege, la même histoire risque de se répéter. Ba garde ya docteur Mukwege, bazali, ba policier ya ONI. Mais Tokoyi ko pesa bango confiance à 100%. Je lui ai dit lui-même personnellement. Je lui ai dit, il connaît. Akoyi ko pesa bango confiance à 100%. Alors, la seule personne batukaka oyo bakoyi ko protéger le docteur Mukwege ezali biso ba congolais ou bien les gouvernements congolais. Comme je venais de le dire, les gouvernements congolais mission na ye ezali ya ko protéger ba congolais te. Le gouvernement congolais mission na bango ezali ya ko protéger libumu ya famille Tshisekedi, ya ko protéger libumu ya famille ya Kabila. Les restes bango ezali mission na bango te. Quel est ce Congolais ou azali na détresse? Oyo abengi déjà gouvernement congolais boya ko protéger ngai baye. Bako yate. Mais le gouvernement congolais, ceux qui bayo ki par exemple que Christian Tshisekedi azali na danger, na katia bar, azo bundana Achour. Bataillon ya okitana bar wana. Parce que un agent ya Kabeyaka Mwanga Air Force azali attaquer quelque part na bar, il faut qu'il ne ko soutenir ye. Narobakango toujours, ezala na diaspora, ezala na kati ya Congo, les citoyens congolais n'est pas protégé par le gouvernement congolais. Les citoyens congolais est délaissé à lui-même. Nzambe kaka nde tolobaka, nzamba sala kaka. Nzambe ce qui a abandonné yo et sili minute zoya ozokufa. Alors, docteur Mukwege na kozonge la makamba narobaki na ba vidéo il quitté. Nazolo bayango toujours, na bandeko o bazali na diaspora, na repeta kango toujours, ça c'est vrai, les noirs tozali discriminés. Ba noirs tozali na valeur te. Alors, d'abord, ba noirs na général, tozali na valeur mokote. On ne nous considère pas comme étant humains. Ba pesa biso ba respect nyonso. Alors, na situation générale des noirs a sorti de la situation africaine. Ba africain tous ala kana respect mon côté tous ba pesa kabiso respect mon côté. Alors, ezali na batu na monde oyo na lobaki yango les Congolais en particulier oyo lelo Congolais ni se soit accueilli esika a remarqué que bazo pesa ye penza respect penza te. Congolais wana azo kangamana nini po moi respect ta mokeya. Okoyoka mingi bayebaka Congo eza place nini bayebi te. Par exemple, nazi, basiatique bayebi ba pays africain te, moke, basiatique bayebi Nigeria, moke, basiatique bayebi Kenya, moke, basiatique bayebi Ethiopia. Ba Coréen, lelo so kei, Congo ebakisambeki na kati ya Congo. Po na mese yombi. Okoyoka, oza mutamboka nini? Libose ezalaka so lobi Congo. What? Congo. Hein? Congo. Hong Kong? Non, Congo. Mongol? Non, Congo. Congo, dia. Hein? Ça signifie Congo et Zawapi. America? N'Amérique, t'es. N'Amérique, t'es. N'Afrique. Ah! Africa. So, moni Corée, déjà, aérolobby Afrique. Considération, nous sommes à l'Olata qui va veste. Au moins, les langues échangées. Ah! Aprika, atalio likolo, atalio nase. Ya, atunio, ozan adres, nazali na bilamba, oye ba utilizate, so pese adres, na kotinde la yo na poste. Ozali na musala, nazali na usine, na kopeso musala. Ozali na kamyon, nanda kunangai ba kamyon akala na utiliza kate ezali. Nazingi wopiko depanse mbongo, teba kene kofinango. Soko yebi ko conduire yaka na ndako nanga na kopesa yo kamion. Soko tuni pona nini? Ako yebi sa yo Afrique chana. Hein? Ozali africain. Africain ça signifie malade. Africain ça signifie pauvre. Africain ça signifie alala kana banzete. Africain ça signifie atangate. Africain ça signifie aye komela coca awa, amati voiture awa. Et d'ailleurs bazo tuna yo. Soko la kisi carte géographique ta la place Congo ezali atali oh my god Congo Korea ezali musika oyaki ndenge nini question wana bazotu na yo yaki ndenge nini parce que na Afrique avion ezate yo outi kuna musika ti a oyé ndenge nini na yebisa ba parlementaire coréen soni ya ndenge wana Naebisi bango, boyoka batu, na bino ndenge batu na kabiso. N'Afrique avion exacte, oye ndeni. Moi, je leur répondais, na yaki makolo, ou bien na yaki na nage. So, lobi na yaki na nage, ba seki. O seki pour nanini. Oh non, banda kuna na nage, oye ndeni. Mais voilà. Voilà. Ezali question moko idiote. C'est-à-dire, ba avion ezali. Na lo marango toujours na mboka ya kore, banda na ya. Na mona nanu te na télévision. Bazo la ki sa, pays, moko y Afrique, bazo la ki sa ville, bazo la ki sa ba building, bazo la ki sa ba camion, bazo la ki sa ba avion, bazo la ki sa vie ya malam. Na mo, je vous dis, na mona nanu te. Ce qu'on voit na ba télévision, ezali, ba na bilambe zate, ba chege, bazo luka bilo akolia, bazo boto la bambongo, bazo yiba, ba guerre, c'est ce qu'on montre dans la télévision. Et maintenant, ba tuna bango so ba moni na télévision na tongo na ngo dès qu'on voit un noir, ozo mona mawa lobi na mona ki pays na bino Afrique. Na mona ki bozo souffrir vanda wa kozonga soute. Na kenda na Hong Kong. Na kata télévision na ya hôtel, na chambre, na télévision. UNICEF. UNICEF azo senga, ndenge, wayebi UNICEF a senga rambongo, po na banda na mokili. L'UNICEF demande l'argent comme d'habitude. Et UNICEF azo senga batuba contribuye, na Hong Kong, batuba contribuye po na banda ya malnutrition na Corée du Nord. Mais ba image bazo tia, ba image ya ba noir, ya banda ba noir. Mais comment? Na Corée du Nord, ba noir, bazate. Mais vous demandez l'argent. UNICEF a aussi un mbongo pour na ba noir. Et pardon, pour na ba nord-coréen. Ba na nord-coréen. Mais les images au bazo la kisabatu, ezali ba image ya ba africain, ya ba noir africain. Et yaki ko coïncider na longwe Hong Kong, na kei Bangkok, na longwe Bangkok, na kei Genève. Tozala ki na réunion. Il y a consultation, na ba institution, il y a ONI, UNICEF, HR, PNID, Nyosowana. J'ai demandé la parole. Modérateur, mi balé, na session wana, ezala ki un blanc européen, na un noir kenyan, asala ka na HR. Bato baza ba mina nga na Facebook bo mona to vandi toza batu mi balé non toza batu 4 ye na ngai ye na coin oyo nga na coin oyo les deux autres personnes ba européen na 4 nga na ye to pesani mbote tozo seka c'est la personne azali 4e responsabilité na HR général azali kenyan na poser question na UNICEF. Na posé question na Bango Nyonso. Qu'est-ce qui fait que HR, UNICEF, UNESCO, ceux qui vous allez causer une contribution na monde pour batuba contribuer pour na misala na bino au lieu parce que basenga bambongo na selon ba région. HR par exemple y a Hong Kong, a kocha ba image par exemple alingi ko senga mbonga ba na nord ya pona nord coréen ba kocha image ya bana nord coréen selon ba région. Comment expliquer vous prenez des images des enfants africains des enfants noirs pona ko senga mbongo ya bana oyo bazali mal nourri ya nord ya nord coréen ya Vietnam ya Cambodge, mais les images où bino bozali kotia na ba publicité wana po batuba pesa mbongo, ce sont les images des enfants noirs africains. Franchement, je vous dis, boye ba réunion ndengo na temps ezala ka mingi te. Et joie qui 10 minutes tout le monde debout. Tout le monde debout maboko. Le modérateur y a session y a Kenya alobi Monsieur Yombi merci merci merci mingi parce que cette histoire même ngamoko na salaka na HR ça me dérange na lobi yango lelo ça me dérange bokomona bazosenga bana mbongo mpo na bana ya Europe de l'Est, ba image bazotia ezali bana ya baafricain. Alors HR bazali awa alobi awa naza moderateur, nazo représenté HRT babenga na session oyo naza la moderateur, UNICEF bazali, bango nyonso bazali. En tout cas, répondez, Monsieur Yombi. Moutou ya UNICEF, représentant UNICEF, a eu parole à lobby, Monsieur Yombi. Merci pour la question et désolé pour la situation. Tozoa lettre na yo. Je pense qu'au Komaki, il y a une situation qui s'est passée à Hong Kong. Tomeka ki, ko contacté représentation ya UNICEF, ya Hong Kong, pour na ko corriger ba image wana. Moi, si Mokazaki n'a se, je pense à Zamoto, Amérique latine, à Gangi, partout, même si et pas na Bissau, na Brésil, ba tchaka ba image ya ban Afrique. Alobi, oui, en tout cas, tozui note, to corriger biloko la nyos. Et représentant ya HR, a Yepe, alobi ndenge moko, oui, tozozo abadole en soana mingi, nous allons changer. Donc, je disais que nous, les Noirs, nous allons vraiment considérer. Ba considérer biso po na ko utiliser biso po bazo ba mbongo. Et cet argent, quand on contribue, l'argent ne va pas pour les enfants africains qu'on montre les images. Mbongo siko et okende, ceux qui ezalaki po na ba nord-coréen et okende po na ba nord-coréen. Ceux qui ezalaki ba européen de l'Est et okende po na ba européen de l'Est. Ceux qui ezalaki po na ba vietnamien, mbongo ke po na ba vietnamien. Mais les images po epesa batu mawa, epesa batu stéréotype ke ba africain nyonso bazali boye, ke ba africain nyonso ba soufraka boye, les images ezali ba image ya ba africain. Mais ceux qui ina New York, ceux qui ina Paris, ceux qui ina ba mboka nyonso na Londres, vous allez voir les européens aussi qui souffrent, qui demandent l'argent. Mais ba organisation wana ne prennent pas ces photos là pour ba yako tchango par exemple na ba organisation na bango pour ba senga mbongo pour ba aider monde banane ba ko corriger eloko yo biso moko ba africain na kaya Congo lelo oyo soki o lobby na zalinde ko ya docteur Mukwege même si ba linga ki ba maltraiter yo selon poso nzoto na yo moi considération ezali. Soki olobi nazali ndeko ya mutombo dikembe. Okoyoka na États-Unis moi respect ezali. Soki olobi nazali ndeko ya Lukaku na Europe moi respect ezali. Ba Congolais ko na Corée soki olobi nazali ndeko ya Yombi respect ezali. Et d'ailleurs na utai ko appelle je pense il y a une semaine un Congolais tobandeko kuta na memingi te tozapenda ba mite un jour a benginga lobi papa c'était la deux semaines passées je pense papa Yombi limbi sangai na yebike moi ma ben mingi to eloba makapona yo mais papa Yombi ozana kombo na mboko yo ah nini sous mon frère azala na kore depuis 30 ans ce sont des gens qui sont arrivés avant alobi nanga papa na kenda esikate. Na kenda isi kate. Soki ba tuninga ke ozali nani, soki na lobi na Kongole, sans ke wakumi sangai, ba pe sangai respect, ba leki sangai, paske na lobi na zali ndeko ya professeur Yombi. Nabi, yo zui courage ya koloba yango, ba Kongole ba loba yango, te, la plupart ba loba ya la kisaganini, ba msusu ba loba azana maji, koye bana wana eza ya pamba te, azwa kisi. Aina kisi. Oh my goodness. Kongole. Donc voilà. Et voilà, tozana batu mingi penza te. Oyo ba Kongole, ba sala b'exploit, oye koye ko tinda biso tozana na respect wana. Mais moi moke tozana ngo, to bate la yango bandeko. Le docteur Mukwege, basi oyo na yebite il faut ko kase ba tabou hein? Basi oyo bazala violé par groupe vous pouvez passer par des vidéos témoigner comment est-ce que ça la kapasi mama na katandako na présence ya bana ba yeko violé ba détruire organe intime na ye na présence ya mobali na ye na présence ya bana famille et kabwani. Famille Kabwani. bana bakoka soko tala mama na misu te. Mobali akoka soko tala mwasi na ye na misu te. Me mokwege di non. Na kolanda ba million o bazo korompre batu te. Na kolanda te na Kinshasa ava ba tobola yo tonga. Pesa na mbongo wa sereng. Medesa ava simba yo eske afuti mbongo. Medesa ava simba yo eske apesi mbongo. Benfirmier ava simba yo eske apesi $20. Mokwege di gratuitement. Je me sacrifie na kokufa pauvre. Mais na reconstituye. Soni oyo batu oyo ba pesi. Basi na biso, bana na biso. Na reconstituye bango. Gratuitement. Monde, ba yeko mwona musala asala, abande musala na lelote ya. Batu balandeli mukwege, ba onije balandeli mukwege, musala na ye azo sala. Ba monike, non, non, non, non, mutu oyo aza vraiment spécial. Combien de prix azui? Combien de prix? Awa ba benga ye ba pesa ye prix. Mais, maloba ya docteur mukwege ba zoyo kango, qu'est-ce qui empêche esala mate, ndenge na utiko loba, ba intérêt ya ba mboka na bango. Ba intérêt ya mboka na bango. Moi, je dis aux Coréens, lelo oyo soki bozali ko somba Samsung S10, Samsung S, soki 11, Samsung. Soki bozali ko somba ngo na prix ya Corée, na 1200, na $1,300, c'est parce que na Congo, coltan ya Congo, bozali ko zwango gratuitement. Alors, Samsung akolinga, guerre ezala toujours na Congo, problème ezala toujours na Congo, désordre ezala toujours na Congo, pour que bazwa coltan ya Congo na moins cher ou bien gratuitement. Yango bozo mona na niveau à Corée, téléphone par exemple, ya Samsung S10, plus 10, ezali 1000, 1200, $1,300 américains. Mais ce qui ordre côté na Congo, coltan e komi ko tekama. Boko somba coltan na Congo na cher. Ce qui bosombi coltan na Congo na cher, ba smartphone na bino ya Samsung ya LG awa e ko koma $2,000, $3,000 na pièce. Samsung a holingé lo konate. Voilà pourquoi compagnie Nabino bazali toujours kocha moto pour que désordre zala na Congo. Soi Kabila nomé ki yungu. Samsung ki fwa ndima ki yungu anazala. Parce que soi ki yungu azali, biso to kozwa coltan moins cher. Ki yungu azala na possibilité na capacité ya kopekisa biso te. Mais ceux qui balobi ki na Congo, muto maye la kota, un patriote, ou akoyi koloba non, ou akoyi ko se sacrifier a koufa. Ba compagnie le kola Samsung ba kondi mayango te ba ko linga te parce que ce qui mutu o ko ko se sacrifier no ba non na lingi boyete Samsung a ko zwa sous coltan na Congo gratuitement ou bien moins cher te ba produit na bango e komata. Voilà les intérêts ya mboka na bango na parlement coréen, je l'ai dit na kati na bino awa nani azana téléphone Samsung te nani azana télévision Samsung te. Nani utilisa ba produit Samsung T, LG T. Mais na ONI, il y a une loi votée sur le business compact, pacte ya business, oyo ba lobi ke ba minere ya sang, loko la coltan, loko la diamant ya Sierra Leone, ba minere ya sang, soki bo sombi yango, na ba produit na bino, il faut ba mona traçabilité. C'est-à-dire, si vous avez un produit dans le Congo, na ba produit na bino na ba notice, il faut que les coltans que vous avez utilisés dans le produit na biso, na bino est venu du Congo. Ou bien, vous avez un Congo. Te. Mais vous avez un téléphone na téléphone ya Samsung, fungula yango. Est-ce que vous avez une traçabilité à minerai? Na kati kuna balingi yango te. Bazo sabote la loi ya ONI, ya pacte sur le business. Pourquoi? Bazo tcha yango te parce que ce qui bache, le Congo sera là. Or, l'ONI a lobi, ba minere wana loko la ba coltan, isa ba minere de sang. Ba Rwanda, ce qui bazu yango, ça passe par où? Et le kaka Rwanda, ekei Kenya, ekei Tanzanie, par exemple, kuna siko ekendako suka wapi? Ekendaka na Thaïlande, ekendaka na Malaisie, ekendaka na Kazakhstan. Ba pays européen, ba américain, ba zwa kayango a parti ya Kazakhstan, a parti ya Ouzbékistan, a parti ya Thaïlande. C'est-à-dire, pour Nabango, basombi produit à Congo, basombi produit à Thaïlande, basombi produit à Kazakhstan. Je connais cette matière parce que maîtrise nanga moko sur les droits de l'homme, na ONG, mémoire nango thèse nango, j'ai travaillé sur ba minerai na ba zone ya conflit. J'ai retracé ba minerai na biso ya Congo par exemple. J'ai retracé le pétrole irakien. J'ai retracé le pétrole vénézuélien. J'ai retracé ma minerai à Bambo Kébélé. Par exemple, il y a Nigeria, pétrole à Nigeria. Bah, écoute, ça, la traçabilité, on a été. Alors, est-ce que Félix a quoi qu'on soutenir, qu'on protéger des Mokwing? Na Bambo Kamoussou se disait, menace, n'engue bandiboye. Tout le monde, Oyo, le gouvernement rwandais a menacé. Ce qui est l'équipe n'a public pour le Koloba, soit Kagame, soit l'équité. Le ministre n'a pas l'équité. L'officier n'a pas l'équité. Moutouana, tant n'a pas l'équité, soit n'a pas hôtel n'a pas Koufi. Soit camion est tout à Koufi. Soit a piqué crise à Koufi. L'exemple, il n'a pas Sabino Bakongolete. Exemple, les alliés Bélé, l'Afrique du Sud. Tout le monde, Oyo Kagame, est passé Kolobela Makamunaye. Bah, James Kabarebe sont passés Kolobela Makamuna Bango. Lelo Bazana vité. Je vous ai dit, la personne comme Mozito, d'une façon politique, la Lingarayeti. Mais Mozito, c'est un frère, c'est un Congolais. Mozito, Azali, na visère rwandais. Vous allez entendre Bogoyoka. Et na loba yango, Mozito soki azali ko landa biso, je pense à landa ki biso, to loba ki yango très bien, a changé façon na ye de vivre. Azali na loupe ya ba Rwandais. Parce qu'il a demandé pour to zwa kimia, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais to zo mona yango, ba nani ba Bah, anglais, bah, check quelques villes françaises, bah, habiter bah, ville wana, na quarantaine, sur bah, qui Angleterre. France, peut bah, bon, biso, pe, zongi, ça. C'est ça, les relations internationales. Les Rwanda, banda des années, bazo envahir biso, bazo côté la biso, bazo yate par bah, négociation, par bah, groupe humanitaire, bazo ya par armée na bango. Les Rwandais sont là. Mais il faut répondre par ça. Négociation est aussi imbattée. Alors, donc, déjà, au niveau du gouvernement, déjà, ce qui est menace, c'est le gouvernement qui menace. Parce que la menace, il y a Mukwege et Woutina officier rwandais. James Kabarebe, ce n'est pas n'importe qui dans le gouvernement rwandais. Le gouvernement congolais devrait agir, soit par le ministre des Affaires étrangères, à réagir, soit par chef d'état-major, parce que James Kabarebe, c'est un militaire. Soit par le président lui-même. Vous voyez, Nabambo Kébélé, bah France, bah Wapi, soit, bah menacer un citoyen simple quelque part, soit c'est le président qui vient, bah Irakien, soit bah Kangi, Américain, Moko, c'est Trump qui parle, qui réagit. Donc, tobo sana makambo ya Félix pour nous protéger Mukwege, biso moko to protéger ye, s'il vous plaît. Alors, tokoki ko aider Mukwege ndenge nini? Ndenge na uti koloba. Par exemple, je propose na uta koloba yango bato bandeko o ba yesika, biso nyoso to zwa par exemple la semaine du 23 au 30 août to zwa ngo journée virtuelle dédiée au docteur Mukwege. To tcha ba photo na biso il y a profil docteur Mukwege, toi enregistrer juste quelques secondes, une phrase ou bien deux phrases. Docteur Mukwege est le prix Nobel de la paix. Menacer Mukwege, c'est menacer la paix mondiale. Docteur Mukwege reconstitue la vie des femmes. Menacer Mukwege, c'est menacer ces femmes. Je suis Mukwege. Voilà. Hein? Bandeko nangai nazo monaka na ba profil awa, je suis Mbie, je suis Kalambai, je suis Mokuna, je suis Batouana, et pourtant ba sali biloko oyo en réalité en tant que chrétien, parce que la plupart des Congolais bazali ba croyants, ba chrétiens. Tout le ba chrétien caractère bazali ba croyants. Même la loi, il y a croyance autre zanango, il y a religion. Violer une femme en tant que pasteur, menacer une femme en tant que serviteur de Dieu, et zali malamouté. Mais tous les gens qui croyant, je suis Mukuna, je suis Mbie, je suis Kalambai, je suis. Je suis Denise. Mukwege, oh, yo azo pe sa biso honneur. Qu'on soit juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Pour nous ressentir quelque chose où il faut battre là, qu'on protéger et interpeller Batouke. Non, attention, il y a un danger. Tout Tchabango est responsable si il y a un incident qui s'est passé contre le docteur Mukwege. Lobby bayate baye sabiso ke toye bakite, toyo kakite. Mais Congolais ko yiko sala buste dans le sens que Batouke soba kamwa. Comment expliquer ba réseaux sociaux nyo soya ba Congolais? On ne voit que docteur Mukwege. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà ce qui se passe. Tout ça a besoin d'ailleurs. Hein? Est-ce que si on a vraiment Nazari tribaliste, combattre le docteur Mukwege, Ezali tribalisme, combattre le docteur Mukwege, Ezali haine, Ezali jalousie? Congolais, Ozawapi, Congolais, Ozawapi. Hein? N'ayons pas qu'à battre abusivement, Congolais aza yanke, Congolais aza yanke, Congolais aza yumate, Congolais aza yumate. Mais non! Non, n'allons pas kango toujours. Congolais aza kebere, Congolais aza yuma mombaf. Qui yanke a Congolais, Zali? Excusez-moi, qui yankia congolais, ils allaient jusqu'au Welaka Bilamba, Louis Vuitton, ce qui verse, verse, Versace. Dans magasin, ils kaka moko, congolais a koyiko bimisa makofi po asomba yango. Et tika li kaka moko, moutou mso azwate yazo yango. Voilà les congolais qui yankia congolais. Mbo kanabiso n'importe qui a koyiko ya, azo sakana nango, qui yankia congolais, zo mwana nasute. Soyez commis dans ma cambaba bêtise, il y a un pasteur à la qui s'est genou na ye, na katia voiture, ko ganga kana moutou na ye, mamouani, tatouani. Voilà, Congolais. Et loko Congolais, ko zwa tan, ko sa la recherche. Balobi, moutakala, ebimye, Congolais, ko luka moutou nyo, sona inbox, pardon, est-ce que image yon ozanango, tinde langa yango. Ozu image yon, tinde langa yango. Alingi kaka mona ba genou ya moukouna. Mais Congolais a connu qu'on soit tenté. À ta une minute à Pamba. Pour nous sauver, nous devons être Congolais. Non, R. Mokoba, tout ce qu'on a mokapé, retard et compréhension, Zalaka. Je vous assure que. Natango Babadaï qu'on menaçait Lumumba. Congolais a eu qui important, c'est Lumumba. Congolais, il y a une importance à l'Omumba. Mais les lots, il y a une importance à l'Omumba. C'est la même chose. Nabatuloko la Mukwege. Les lots, il y a une importance à Mukwege. Mais si les Rwandais descendaient Mukwege, il faut que Zalana sonne. Boya ko tiana ba réseaux sociaux na bino. Hommage à Docteur Mukwege. Je suis Docteur Mukwege. Maintenant que le Docteur Mukwege est en danger, Congolais tous au monde a été. bato akolobela docteur mokwege bakomi ya kotanga ya kobondela bandeko tobatela ndeko na biso ifu tobondela mais suko ovandi tozomona ah bato bazorespecte biso te ah kongo oyo bato bazorespecte biso te mais bato oyo bakofaire respecte bino bazali en danger tobatela bango tolobela mpo na bango mais kongolais azali koyoka te Congolais, ça, ce n'est pas son problème. Donc, dans le bail qui est dans la cause, vraiment, moussikate, pardon, je demande, dans la liste, je demande, par exemple, Kerwin Maïso, Fabien Koswanika, Bandeko nabiso Yuyu Mutomosi, Odombo, ndeko nabiso Gino Will, ndeko nabiso notre jeune frère na Londres, na Boston, il y a un jeune frère là, il est aussi étudiant, na Boston Kombonaye. Donc, il y a un autre à la Cana France, on l'appelle Cordon, comme ça. Voilà, Bakombo Ezoyate, Nazam Koloa, donc. Plus de 80 ans dans Zanango, ils ont arrêté pour Balobaka. Tata Mubimba boye, souki a pembe boye, otika de mouke okufa ou linko tika politique te. Oui, la za koko mo boye, linko tika politique te. Au côté politique, si kana ki koko, ah bon? C'est bien. Na côté politique te, olo baki na côté politique na ikoko, parce que na za ambition na zwa poste te. Na côté politique, na zwa responsabilité na nga en tant que Congolais avant na koufa, quand même na bunda po na mboka na biso. Ah, responsabilité na nga yangwana. Na sala quelque chose po na mboka na biso. Donc, voilà, Shekinah, notre frère Shekinah, Bokechu, oui, pourquoi pas, leader d'opinion, Bokechu, et basa ebele na tangi ba kombo te ba kombo e bungina vous remarquez que bande konyo so tozolo bila Congo toza kotanga mais Congo ezali na plus de 80 millions d'habitants lelo plus de 80 millions d'habitants peut-être tolo ba 30 millions 30 millions de Congolais soki bozali na réseaux sociaux Facebook WhatsApp union so YouTube tout Les lots sur Bolobi qui semaine il y a le 23 et le 30 dédié virtuellement. Virtuellement ça signifie que on va déplacer tout que nous la marche t, na téléphone na yo, salamwa vidéo. Donc, héros la muki na tongo, au bongami au sukoli, au lati moi t-shirt na yo, moi pantalon na yo, veste n'importe quoi. Et ça na musala place aux allées avant au banda musala, moi vidéo ya muki wa résister quand na page na yo. Mukwege. Et le prix Nobel de la paix. Menacer Mukwege, c'est menacer la paix. Je suis Mukwege. Ou bien, Mukwege restitue la vie des femmes. Menacer Mukwege, c'est menacer les femmes mondiales. Je suis Mukwege. C'est tout. Moi, vidéo à Mukwege, l'ingite et longina yo et monana. Bombay longina yo, kende ka quand même na ordinateur na yo cha photo a Mukwege, balola caméra na yo et mona place photo a Mukwege ezali, enregistré yango, maloba na yo pamba ekota so lingite et longina yo et monana. Mais biso oyo tozali ba nzete koyela kake. Ah oui. Nzete koyela kake. Toyebi deja ke tosito kufa. Ah, po ndenge na za awa, mutuloko la vidi et chimanga so akainga na coin. Bokanisa bibotu na kozwa ezala docteur ye moko ko wanga na musala na ye kaza docteur akotuna me training nyaki moto vous comprenez donc na yebi déjà na me yebi on s'en fout l'essentiel que nano ba vérité na ngai ndenge ezali nano ba qu'est-ce qui se passe voilà donc na kende ko clôturer peut-être kozwa ramasser rapidement makam mususu il y a docteur Mukwege Toyokani, pardon, Nazali Kosenga, Nabosani et Lokom Susu. Ce que je demande, pour que ça moi vidéo, on a par exemple la semaine, il y a le 23 et le 30, tout ça la moi vidéo, il y a quelques 30 secondes. Pour na Mukwege, je suis Mukwege. Au lobby, moi phrase, na soukanango, je suis Mukwege. Alors, au koyi kocha, soko lingi vidéo, c'est mieux vidéo. Mais si on a une vidéo, zwa kaka photo na yo photo ya Mukwege Otie Mukwege azali prix Nobel de la paix ko menacer Mukwege c'est menacer la paix mondiale Mukwege restituer la vie des femmes menacer Mukwege c'est menacer les femmes du monde alors ce qui Otie Ndengwana bandeko o balingi ko bima na public te pona ko sala ba vidéo mes frères na lobaki yango avant-hier j'ai suivi notre frère Fabien Kuswanika il a dit hier Batu ya Félix ba panzani na ndenga kosakana te $2000 nde makambo $2000 makambo ba conseiller Félix Mutunio son na diaspora ta sauta conseiller Félix oba uta Canada bango nyoso bazotinda mbongo na Canada na batu na bango po ba ataka kabiso oyo ba uta Europe o ba uta bamboka msusu bazo sala ndengo na o ba uta Kishasa na Kishasa bazo fungula ba page ya Facebook bazo fungula ba page ya YouTube juste ce que lobi bango bakoti ce que lobi bango bakoti lelo système na che awa ya ko bloquer na verrouiller tout lelo moni live na biso na Facebook ba attaquer en hauteur ba kokite parce que na che juste une na che service un service de l'université je pense que moyen ba attaquer en hauteur mais peut-être ou même si kate ba koyi ko continuer toujours comme menacer alors bandeko pardon ezali responsabilité na biso nyonso po na mboka na biso oyo amoni ke Félix azo sala musala malamu problème ezate fungula compte na yo loba expliquer ko finga te loba ke non prof yombi yo olobi Félix aza idioté yo loba ka Félix atanga te prof okosi Félix atanga voici école atanga voici ba komba ba tatanga na bango voici adresse ya école atanga voici ba komba ba professeur na bango ah na ko ya na life je vais demander pardon à Bizimba peut-être par ignorance na yeba kite ke Félix Njokande atanga mais soto lobi ki atanga te yo lobi yango yo uta moyaka tala ye kuna mukuse tala ye kuna mutu munene lokola boxeur tala ye kuna beauté scientifique tala ye kuna boye tala ye kuna boye mais wana osale loko monte Alors, bandeko mususu to bimape ebele. C'est gratuit, réseaux sociaux boye, c'est gratuit. Facebook bafutela kango mbongo te. YouTube bafutela kango mbongo te. Soki ozana na temps ya kosala ka makambo ya boye air nyonso te, mais quand même par semaine okoki ko enregistrer loko moko. Non, en matière ya boye par exemple, l'économie na mboka na biso, ça ne va pas. Na mboka na biso eloko boye, ça ne va pas. Alors, Oui, bande comme sous bazo corriger ngai balobi, oui, ko corriger te ko bakisa, ke bala ki sabiso ke non, voici diplôme a fait. Oui, voilà. Voici diplôme naye. Voici diplôme naye. Ngai batuna bayebisa ngai ozali cuisinier. Cuisinier za mabete. Mais pona ko prouver ba onke naza cuisinier te na finga ki bangote. Na sala ganini. Ba photo ya auditoire, ba vidéo ya auditoire na zo tangisa. Bozwa yangoyo. Ah, ezali Photoshop. Oh non, ezali Videoshop. Ezali ndengwana. Eh, bon, ça va. Kene na Google. Kene na Google, tcha kombo na ngai. Google ezali angate. Ezali ba Américain, ezali ango yangate. Koma na Google, yombi atangi saka wapi. Soko mouni ba investi wana. Futa tike kende. Kende tuna bango. Eske muto ya solo atangi saka awa. Soko ba lobi atangi saka awa te. Yaka na video loba. Na kobima na kosenga pardon na bakongole bandeko bakongole na kosaki bino ah yango ye na oni est-ce que oni akoma na zuba video ya oni yangoyo na zuba photo ya oni yangoyo alors soki otetembe koya kofinga ngate kende na oni vérifier est-ce que mutu oyo asala ka musala awa ya boye te akosi yaka bimisa ba preuve na kobima na kosenga pardon na bakongole mais kobima pièce au lieu boya biso tozoya na pièce au lieu boya na pièce bino bozoya na mensonge au lieu boya na pièce bino bozoya na kofinga mais non ezala ka bongote donc bandeko oyo bazana possibilité be capacité ko sala ba vidéo aide no sauter quand même po na mboka na yo na zo bisa bino que ça ne va pas surtout bandeko bavana na diaspora quand même méga ezhf ofélé internet eza ofélé Bandeko pona Congo ya pamba. Ceux qui ont l'ingé, ça la vidéo, ils ont l'ingé sauté. Ils ont attendu, peut-être, au messana, ça la ngoté. Mais, partager, oyo biso tozo le belapona mboka. Hein? Et ça, quand tu as fait une vidéo, tu as fait un mitema, tu as fait un like, tu as fait un ya solo, papa, oniati, et si tu as fait un yangwana, ingeta ndeko. Oui, c'est bien. Encouragement, il est bien. Ingeta. Après, ingeta wana ndeko. Zwape vidéo, wana, kabula na batom sous. Oyo, peut-être, il y a une possibilité à Kolanda, bisote, bango pe balanda, peut-être, mutuana, yo, zana possibilité à Kolobate, à Kobimate, peut-être, mutuana, oyo, ayeba kite ke tozalaki na live, tolobela ki likamu, oyo, zo tungisa ye, yepe à Kobima, aya kwa puye biso. Hein? Félix utilise l'argent ya mboka, l'argent na yo, na yangai, apandi batu ba fungula ba réseaux sociaux. Au lieu de penser à tout le monde, réseaux sociaux, il y a des investisseurs, investisseurs, des Congolais, des gens qui sont en Boka, des Congolais, des Congolais, des gens qui sont en passe. Il y a des gens qui sont en train de faire des pages des réseaux sociaux pour que ba attaquer batu physiquement, non, virtuellement. Bisso, batu msusu, bovandi, bozo talaka na musika, c'est comme si boza ba Congolais. C'est comme si ezali mboka moko ya musika et tala bato na ndenge bazobunda prof niata bango prof ya solo pièce contre pièce bako kuna pe bako ya buku mona tuku jata jata bino lokola bakayasa. Entre-temps na beni kuna na est kuna okoyoka chaque jour qui passe 10 morts okoyoka 20 morts okoyoka 200 morts chaque jour qui passe. Et Batu Oyo, notre frère Fabien Kouswani qui l'a dit hier, Batu Oyo, stratégie Oyo Baye Nango, ezali stratégie machiavélique. C'est-à-dire, il se victimise. Baza ko luka ba terme Oyo, ba organisation internationale balinga ko yo kate. Par exemple, tribalisme, jalousie, biloko ya ndenge wana haine. Alors, bah, juste stratégie wana, Congolais n'y ont so o akoloba, par exemple, et dollar et mati, pourquoi? Félix Azo Salam Salanin, tribaliste. C'est-à-dire, herba lancé yo tribaliste, yo eromoni yango, obangi. Ah, tribaliste, bah, tu moussousou, bah, paya, bah, oya ko indexenga kinga naza tribaliste. Non. Bah, paya, bah, indexenga, bah, tu ndengwa na te. Avant, bah, indexé yo, il faut bah, yeba, qu'est-ce qui se passe dans le terme que nous avons utilisé, mon boy, pourquoi tu as dit ça? C'est comme les cons qui se disent avocats au bazar na mboka moko soki na Amérique ou na soki wapi. Ndeko oyo aye ko répondre Bilomba qui a insulté cardinal Ambongo. Bango ba comme ici problème wana, non. Ezali un tribal na culture na baluba. C'est-à-dire que bazali ko bangisa ndeko oyo parce que mboka vandi tribalisme hein, jalousie haine ndengwana ça sonne mal tellement ba meka ko flasher ndengwana po abanga aloba lisusu. Mais ndeko o balobeli ndengwana peut-être ba yebi ye bien te moi je connais ndeko wana malamu hein. Ba yeba ki ye bien te et toko tia ndeko oyo maboko ah. Ezala komona ba président ya mboka wana ba ministre ya mboka na tokomona bango toko sala voyage uniquement tokei na mboka wana to expliquer qu'est-ce qui se passe bandeko yo bazali ko se victimiser et pourtant bango nde bazali ba bourreau bango nde bazali violent bango nde bazali ba tribaliste et sika bazali balingi ndeko mususu ayate. Par exemple ye moko ndeko na bango o bazo protéger qui est le président. Ba conseiller na ye, Congo ezali na combien d'ethnies, Congo ezali na combien de provinces. Sur 600 personnes, o ya memi na présidence, 600 personnes, o ya memi na présidence, o bazali ko foutre na trésor public, 500 bandeko na ye loba. 500 sur 600, 500, lobi batangelinga yango penza. Na moto mususu te, mais na conseiller na ye moko. Yombi, yo lobaka 100, 160, wande lobaka ba conseiller. Mais Félix Ayaki kaka na ba conseiller te. Félix Ayaki na batu nyonso a maintenance, batu nyonso Ayaki na bango. Au total, batu Félix Ayaki na bango baza 600 na présidence. bakisa siko batuka bila tika na présidence lokola ndeko oya kenena na procès ya nani ya Kamere oya comptable ndeko na Félix Temutaye na ye ndeko wana kabila mutayana ye donc batuka bila yaki na bango na présidence bazali Félix aye ko bakisa 600 na 600 aye ko bakisa 500 luba tala bato atindi cash ezali lubate cash ezali coalition ba parti na bango mais bato atindi na négociation bango nyonso o atindi luba to prouver ba pays wana o ezali tribalisme te bato oyo baye ko funda mutu oyo bango bazo appuyer tribalisme bango nde bato bazali ba tribaliste Na kopesa bino un exemple. Le frère cadet ya Félix. Kala mingi te, je pense que c'est là 3 mois ou 4 mois, a outi ko nommé ye coach ya président, coach ya sport ya président. Son petit frère. Toloba ki yango a balobi non, yo lingi a nommé moutou nini parce que position anan, il faut azana moutou a confiance ko azo o coaché. Ça fait déjà 4 mois, je pense, a nommé petit frère naye comme conseiller sportif coach naye. Ti le long denge tozali koloba na minute oyo na Joseph Sabino, Félix na petit frère naye batika ko kuta na jamais a coacher na sport. Soit ki mama mbango boye, soit chamwa li koloboye, soit ningisa mutu pour que mabundi ye diminue muke ata mukolo moko te. Ata mukolo moko te. Mais petit frère à Félix, banda jour ba nommé ti lelo chaque mois azali ko zo 20000 dollars américains. Conseiller spécial na sport. Lekinaye azali ko zo 20000 dollars américains chaque mois. Mais lekinaye atiko sala mosala ta mokolo mokote. Balobi na présidence kuna afungulira ye bureau. Ye moko leki akena usala sa bureau na ye. Na biro wana makambo ezo bazo traité na biro na za makambo sporte. Ba investisseur soit disant ba investisseur bazo kene ko défiler kuna. Ba to bazo ta limité bazo kene ko défiler kuna. Mais rapport ni nezali entre yo conseiller spécial ya sport ya président na makambo ya investissement ya éducation par exemple. Éducation sportive ou bien dingi. Donc, coach na mutunaye, tozo mona toujours Félix, si wa moni mwa mbanga e diminye, azo ka amunene. Le petit touche 20000 dollars. Est-ce que vraiment, ou ezali népotisme te? Na mboka o bozo funda bato paske ba lobeli baloba. Na mboka wana, biloko andenga na koyoko sala ministre nabino président nabino premier ministre nabino a engagé mwana na ye leki na ye ata mokolo moko asala mosala te mais bazo futa ye chaque mois 20000 dollars na mboka o bino bo vandi soit disant avocat ya ntaba ba ko accepter yango Banane bazali ko favoriser biloko nyonso ezali biso ba kongolais ba tozo garder silence. Parce que so garder silence, je pense que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent? Parce que batu oyo tokoki ko prouver que bota la situation ndenge ezali. Batu oyo bazo gouverner na mensonge. Bota la situation ndenge ezali. Ba ko vérifier ba kongolais baza combien 80 millions. Mais tozo mona kaka mwa kelke baza koloba ko denonse biloko yo. C'est que au Congo ça va. Alors, botika ko lela lela, botinda kaka ba Western Union. Boya mbaka ba pele ba ndeko na bino na mboka. Pourquoi bozo kima ba pele? Pourquoi bozo tinda ba mbongo te? Alors, donc, toke ne moulaite, on parlait de ya docteur Mukwege, je le répète parce que ba tomsusu bazo kota sikoyo. Merci beaucoup pour na boni bozali ebele na Facebook na YouTube Merci beaucoup. Mais batuya Facebook, je vous dis toujours, les alliés vraiment sécurisés. Bon s'abonner na prof Yombi Vision pour que bon l'andabi soit ta sima. Mokolo msu soki nzamba sungi pour pas nabi soit comme nzamba sunga. Mais ça les athées. Mais ça les athées mbongo les athées. Mbongo kaka ezo suka kaka na présidence. Mbongo nous ezo kota. FIFO. First in, first out. Mbongo koti, mbongo bimi. Mbongo zo kota, mbongo zo bima na présidence. Gouvernement qui est censé bangonde ba gérer mbongo ya mboka. Bazo gérer mbongo ya mboka te. Mbongo bazo gérer ngona présidence. Ce qui ba yoki 100 000 koti kuna Félix Atindi Batu. Lobby na tongo ebimi. Kutu er mbongo kutu na ba coffre ya banque centrale mbongo ne zo kota te. Na ba compte ya des gérard mbongo ne zo kota te. Kaka déjà so ba yoki promesse mbongo moko ezo ya. Bango déjà baké cause de la yango. Donc, na de Gérard ou bien na banque, bako sa la ka ko passe ba écriture, comptable, c'est tout. Mbongo déjà est commis na présidence. Ngate mout na zolo ba ezali, vous voyez ça. Bidje mou bimba, yamboula moko, yo utilisango na moi moko. Siko yo, na moi o ezo, ya ba moi o etikali tout koma de sambre. Mbongo ako zo, ako sa ila msala, ako zo. Juste, yango na bozo mona, bazo kende ko zela. Na De Gérard, na Sonas, na Odatra, na Ofida, bazo zela. So, ba yo, mbongo moke koti, bango deja ba tindi, ba konseye na bango, bazo zela deja na se. E koti, e komi. Ale, bucha na kofre, mukamate, bake nango. So ki bo lobi, ou transa, na chef de l'état. Ce qui est bon, offense le chef de l'État. Ce qui est bon, c'est que le diata bino lokola bakayasa. Congo, ya kimbangu. Congo, ya kimbangu. À cette époque-là, batu lokola bakimbangu, batu lokola balumumba, ce sont des gens au batangi mingite, mais bayeba ki importance ya mboka na biso, ils se sont sacrifiés. Il y a un gars qui croyait peut-être que persuader un gars qui me dit oh yombi yondengo le bakaboye yeba ke libela vina yo mobimba kozo msala na kongote. Ah, c'est mal connaître yombi de, c'est mal me connaître ngana za mutu baya ko intimider na biloko ndengo na te soki na zo msala na kongote. Alors où est le mal? Les gens qui connaissent yombi ba place na vane libanda bazo pesa yombi misala. Moi, je le dis toujours, nous avons tout le monde qui a chômé même une semaine. Une semaine, vous avez fait le jour. Et si vous avez fait le jour, vous avez fait le jour. Si vous avez fait le jour, vous allez voir. Nous avons demandé d'emploi. Nous avons fait le test de la demande d'emploi. Nous demande d'emploi. Je vais échouer. Nous avons fait le demande d'emploi. Nous avons fait le salaire. Mais ça, nous avons fait on m'appelle. Il y a un test. Il y a un test. Il y a un test aujourd'hui. On t'engage. Alors, vous avez intimidé, vous avez intimidé, vous avez intimidé, vous avez intimidé, vous avez intimidé, vous avez intimidé, vous avez intimidé, ce sont des gens-là, vous avez intimidé, vous avez intimidé, vous qui flattent mon président. Il a insulté mon président. Un professeur ne peut pas insulter un président. Mais un président peut insulter un professeur. Un président peut insulter la population. Là, ça va, ça marche. Mais un professeur a coquille qu'au finga présidenté. Et d'ailleurs, qu'au finga, c'est quoi? Nani a finga Kabila te. Nani a finga Mobutu te. Qu'au finga, au tozali, qu'au finga, tozu yangwe panani. Y'a père, au bobenga, père de la démocratie, n'est-ce pas? Ce comportement, c'est Tshisekedi qui nous a appris. Ah oui? Alors, lelo e baloke libino. Lelo e baloke libino. Qui s'yanga inga e baloke libino? Offense, la chef de l'État. Voilà le baki ango lobi, tukotushi ango soute. Donc, docteur Mukwege, azali na droit, ya journée obe ya semaine, ya protection na ye. C'est virtuel. Ah, prof, biso na misala boye to sala ngondenge nini biso boye bo kipasio boto sala te kaka na téléphone na yo place ozali soit ozali na métro na train partout ozokende bilanga ozokende partout na wenze ozokende tellement un jour banda le 23 tu le 30 phrase moko kaka je suis mukwege chakaka na Facebook na yo je suis mukwege bande ko pesoki bazali pembeni chabango selfie ya vidéo nous sommes mukwege ça va aider notre frère azala na vie. Je vous assure, ma machine ya ba Rwandais ezali déclenchée. Nazo bisabino ezali déclenchée. Alors, yepe musala wana ko yiko tikate parce que c'est une personne o azali na mawa makasi ya bande ko basi. Azali na mawa makasi ya bande ko basi, il faut aider bango. Il faut aider bango. Azali perete, aza poltronte. Parce que soit azala ka pere poltron, melesi akima. Melesi akima. Ba intimide ya tanke nzoto masasi beti. Ba proche na ye ba kufa. Akeyi une semaine, deux semaines, abibi jamais. Nako vanda wate, ifu na zonga. Ça me fait mal. Bana na biso, basi na biso, bazali ko détruire. Borgan na bango. Ifu na zonga. Il est rentré. Mais, batu o bazali ko benga ke bazali ba kongole balobi bango baza banyamulenge bazali ba kongole mutu oyo azo denoncer ba massacre ya mboka mukwege na pas dit ke massacre de mushi mukwege na pas dit ke bazo massacre ethnie boye tribu boye te mukwege dit o massacre de congolais on viole on détruit les congolaises alors yo ozali contre ye. Si koza Congolais te, ozali Congolaise te. Bana na biso oyo ya mwa mikolo, oyo balobaka anglais, bazali wapi. Le Congolaise, bana na biso bavandi na États-Unis, na Canada, na Londres, na Australie, na Nouvelle-Zélande. Ba congolaise oyo balobaka anglais bozali wapi on a vu une banya Rwanda menace mukwege mais il faut mona bana na biso ya basi ya ba age na yewana babi mana ba video pe ba défendre mukwege mais tozo mona bana na biso ba bikuna peniel ba salier boy oh bokomana je suis peniel bino peniel boy bino ba life pona peniel nani aloka congolais nani vraiment aloka congolais nani aloka congolais franchement je me demande qu'est-ce qui se passe na mitunda biso boza na souci ya mboka ou bi boza na souci ya mboka te na bi sakabino ba mboka to vandi eza loza na nationalité boye bi yango même boza na nationalité ça c'est limite na ba papier ba droit mususu ya ba kolomboka wana yo kozwa yango te. Misala mususu ya solo pe ya ba kolomboka wana yo kozwa yango te. B'exception eza muke. Oko kende penza ba rappeler yo. Erozolo ba je suis français. Ba koye biso oui, je sais vous êtes français mais originaire de. Phrase ona mingi le kaka mingi na États-Unis na ba Canada. Oui, vous êtes américain mais originaire de. Mais ye moko so tunye. Vous êtes américain originaire. Ah oui, biso, I'm from here. Je suis d'ici. C'est-à-dire que yé ndenge ba uta Europe, bango ba mansion na kango te, bango I'm from here. Mais yo ba ko rappeler yo na yebi ke ozali canadien, na yebi ke ozali américain, mais oza originaire wapi. C'est-à-dire que wana bazo rappeler yo, oza moto ya mboko te. Alors, souci wana ezate bande ko nangai. Souci ya mboka na biso boza na ngote minute moko kaka soko ni ko leka na live te peut-être ba tumusu soni yo moko na téléphone na chambre na yo bena nzela a registre kaka mo phrase ya moke je suis mukwege soko ni ko a registre te cha photo na ye je suis mukwege protéger mukwege e ko kute yo rien même na temps même na énergie et ko kouté yo rien juste amour Juste l'amour de protéger son frère. C'est tout. Ce qui est un amour, on a été vraiment. Il y a qu'aux ata une minute, ata quelques secondes, il y a qu'aux protéger Ndekonayo. Soit aux alli Ndoki, soit aux alli Mutema Mabe, soit aux alli Rwanda yango. Ah mais oui. Ti ndenge to vandi bo batu musuba kolo bake, biso to kozaya le 23 semaines, le 23 te. Kaka ndenge to yoki, Ndekona biso alubi boye, je suis Mukwege. Oche o poste yango. Moi, photo, il y a mon kwege. T'as commis les 23, juste seconde. Ok, ma téléphone, na yo, na Google, au loki photo, au commis kaka docteur mon kwege. Les colos, comme on a place, ma commis image. Au cliquer image, ma photo, la réunion, c'est bimi. Au poney, oh, c'est pédé nango. Télécharger. Ok, si, ok, si, ko yo, na galerie, na yo. Alors, ok, na place, il y a poste. Au fini, au lingo posté. Et au moment où il y a photo, on clique, photo, on clique, on tient la galerie, et bimi, alors on commet kaka. Protéger Mukwege est le prix Nobel de la paix. Menacer Mukwege, c'est menacer la paix mondiale. Mukwege reconstitue des femmes. Menacer Mukwege, c'est menacer les femmes du monde. Mabeza wapi. Ezu yo minute boni. Ezu énergie nini. Et Zakara Likambo, mi balé. Soit, vous allez dans l'amour, yamboka na yo, dans l'amour, yandeko na yo, à quoi y'a na massasse ya bangunate, à quoi y'a na poison ya bangunate, soit, vous allez moutema mabe, moutema likundu, vous allez ndoki. Olingi mboka na yo te. Kosa la bongo, mukwega kozwata un centime te. Parce que Kongola, vous allez, ah, soye na salindengo na mukwega kozwa mbongo te. Mukwege na terme ya ko vivre. Des jours les jours, ma prière Azali Kozwa. Moi, mon cœur a laissé sa famille na Yezali. Yo so komi kaka phrase wana, ça ne donne rien et pas ya Mukwege. Keno akovwama, parce que les Congolais c'est ça. Na kosa langote so na sali ya Kozwa mbongo. Or, batu muso bamboka muso so ayo keke, ndeko na ya Azali Kozwa mbongo, ndeko na Azali nesengo. Ah, c'est mon frère. C'est mon frère. À quoi appuyer y culture n'a besoin des aliments bien bon moi n'aurai même na ma place de vendre congolais soit salé ses boutiques congolais soit salé loco moko même bateau en bocana basali koko misaie bateau n'est soit salé koko misaie sauf congolais y moko congolais soit salé ses restaurants à salé ses boutiques bah congolais parce qu'ils sont parce qu'il y a des locaux dans restaurant là soit ceux parce qu'ils ont un restaurant basan à intention bah il y a des locaux dans la prière assez ou bien bah foutaté Yepe, azandoki. Mwa biloko mketo le azo futsa biso mbongo. E pourta batu msusu kende kuna bango asasi restaurant. Bako kende kolia kuna bako bengi sabatu bako kende kolia. I pay. Il pay. Paske ezo ede nde kona yo amata. Kongole nde nwanate. Kongole agoya, kongole asasi boutique. Agoya, yango bandunda ngo lembi lembi boe. Oyo kombio. Mama Oyo penja boy, cher boy pour la nini. Na mona ki kuna e pa chinois ezali boy. Na mona ki kuna e pa ya libanais ezali boy. Oh cher boy ndenge nini. Mama e abimi. Akeyi kuna e pa chinois e lemba kaka ndenge wana asombi. C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. Mentalité est aussi la colonie. Congolais batapage, batapage. Demandeur d'asile. Et si quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Te. Congolais tellement, si vous avez une diaspora, vous avez un moins cher. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Congolais, vous avez un peu de temps. Bafle, le connaît la barre. A tchena balabala. Na balcon na yete. A kena balabala, ou a bengaga ground na sima. Yard. Congolais musique local na bar au vendi na 50 mètres ozo yoka musique au vendi na 100 mètres ozo yoka musique kende yebisa congolais kende ko diminuer musique ozo yoka toi tu me connais yo yebingai congolais kaka yebi ya ifu ba yebaye ce qui peut yebi et l'autre côté ce qui peut l'opio yebaye En tout cas, excusez-moi, il y a des fois, toujours ces cas, j'aime beaucoup qu'au Loba, c'est comme ça que j'enseigne, moi. Moi, je prends du temps, matière, nous autant ça, non, mais qu'à quoi adapter en haut pour que bah, étudiant va bah, comprendre. Si on a monique les alliés difficiles à comprendre, il y a beaucoup de textes, il y a droit de l'homme, il y a kanakati, beaucoup, beaucoup de choses là. Na chaque kanakati, intervalle, moi, il y a imour, mouké. Pour que mes étudiants, même si mon tuer lingé craqué mouké, moi, imour, écoute, à ce qui, stress et kiti, il va me comprendre. Ah oui, dans une expérience, les étudiants, et belé, au bazo, kou, nanga, baïb, sarabat, betiraya, rasika. Ce qui court, il y a prof, il y a mieux comprendre te. Ce qui comprendre te, tika kotanga. Kédo wa salam, salam sous. Ah oui. Na zwa katan. Na lo wakaboyan. Ce qui nzamba lobi. Na mela nan maya, bozela. C'est un exemple que je donne, hein? Soki nzamba komisinga vice nzambe. C'est un exemple, mais la forme, hein, ils a imo, mais le fond, vous comprendre. Soki nzamba lobi a komisinga vice nzambe. Atikelinga intérim ya jour moko kaka. Intérim ya jour moko kaka. Ebelete, jour moko. Dirige mokilio yo. Après un jour, ce qu'il faut récupérer, pouvoir naïe, à vous regretter. À vous regretter pourquoi n'a tiki intérim na moto. Parce que Batuloko la Kabila, yé na yébité na ko salaye nini, na ko komise, mouate, lui on ne peut pas le tuer, non. Lui donc, la souffrance qu'il a infligée aux Congolais, na ko pese souffrance wana ya mokolo na mokolo ti ya kokufa. Na ko komise a mona souffrance wana bana na ye viole na présence na ye, moi si na ye viole na présence na ye, ye moko mokolo na mokolo vie quotidienne ti ye moko vraiment na kalembi a yebisi Satana zwa kaka molimo. Mutu lokola Félix et ye kutu balabaki en bien châti bien. Qui aime bien châtie bien. Donc, Félix Binomo Bokansa, Nako Salini. Vous voyez déjà. Oh my God. Bon, c'était juste pour rire. Hein? Mais, le fond, vous comprenez, Nani Kolobani. Moutema mabé. Moutema mabé. Des millions, des millions, des millions. 100 millions. 500 millions. 17 millions, 15 millions. Et vraiment, tu connais comment on a été les lots. Et ça l'a battu en gros, tu as battu au bas, ça l'a violé. Tout le monde a les lots, tout le monde a le gouvernement, il y a ça. Par exemple, le docteur Mukwege, Mukwege stoppe ma voyage. Les lots, il y a 57 millions, il y a qui ont payé ça Libanais. Mukwege est zoyango. Le docteur Nyonso, le gynécologue Nyonso. Bah, physicien Nyonso, Nyonso était quand même une partie, pour installer bah, centre dans l'Est pour réparer nos femmes, nos filles. Mukwege doit partir, Moussika, dans le Coréen, va payer 500 000 dollars. Asomba, antibiotiques, Asomba, bah, bande. Mukwege doit partir, Moussika, dans le Japon, aux États-Unis. Mais dans Katia Congo, na biso, 2 millions sont dilapidés. Chaque jour qui passe, Otuna, Ozali tribaliste, Otuna, Ozali jaloux, Otuna, Ozali aîné, Otuna, Mouyaka, Otuna, Bake Koluka, Osala Kamsala Nini, Otuna, Moussous Koto Alobi, Yombi Koutoune, Bomona Rayoana, Balate, Abotate, Negazanazan, Tana Mouana Mokote. Alors, vous, mes chers amis, Surtout na pesaka na lobaka mingi bandeko bavandi na Europe, bandeko bavandi na France, bandeko bavandi na Belgique, partout na Europe, même ba obazali na Afrique, na Congo. Na kamwe na tali na vérifier banani balandaka biso na YouTube. J'ai remarqué que parmi batu balandaka biso mingi ba Rwandais, au Rwanda, j'ai remarqué que à Kigali moyenne na ba vidéo na biso tozo sala à Kigali au moins il y a centaines de personnes il y a bato balandaka biso. Je me demande bato wana bazali ba Congolais ba vandaka na Rwanda ou bien ils ali banani. Un jour nazwa appel na Facebook kombo nazo mona Congolais a insisté cet dirigeant yambangai na Lingala na Yambi. Voyez à moi, na moi si. Aligné qu'on l'écran à vidéo, eh non, non, n'a l'écran à vidéo, t'es sur une ébiote. Non, non, c'est important, n'a zan de konayo. C'est important. Il faut mon angaï, parce que ça, mon angaï, t'es. Vous comprenez ma kamanazo et bisayote. Bon, ça va, parce qu'il y a de ces femmes qui m'appellent, au Bengi Bozoé, bah, t'es na vidéo, l'équipe Azani. Alors, na comment si vous m'appelez, sur une ébiote. Je tourne le screen, il y a téléphone, na plafond. Na zota là, eskaza na bilamba, biaza bilamba ti. Je vois une femme, Tutsi, qui parle très bien Lingala. Très bien Lingala. Qui me dit, Naza Rwandaise, Nazo Bengo à partir de Kigali, je te connais, à partir de Bamedia, Ndingo Zoloba, na sepe Nango, moi j'aime beaucoup le Congo, j'aime la musique congolaise, et d'ailleurs, na vanda na Congo, na vanda na sans fil. Place Batonga sans fil, mais na massina, avant ba pillage, to manèko vanda ana, peut-être yo loba kozaki na Njili, ou yibi yave ba maison, ezaki moi ebele, pembe ni place Batongi sans fil, ba Rwandais ba bandai ko vanda kuna. Oui, je reconnais. Et ça, ba Rwandais, moi, ba nous vend des bélés, da banda kumi balé kangama, na Massina, juste na pembeni ya Roi Baudouin. A dit oui, et ça, la kanda kuna biso. Et la femme me dit, est-ce qu'on koyi ko pesa nga numéro ya téléphone ya Mutuboye. Mais Batouane, ce sont des gens au Yobabimaka qui ont éveillé Bissot. N'a-t-on pourquoi? Ah bien non, vraiment, dans une information, malam, on sa bango, oui, bon, Congo, na Rwanda, tous allez quand même bandeko, malgré ma kamba politique, mais Pesangai, je souhaite aussi yopé, tous sur la Masolowana. Alors bien, bon, de préférence, par exemple, un tel. Na lingi ce que yebi pe adresse na ye au pesangai na lingi comme mele cadeau moko surprise. Ah. C'est mal me connaître moi. To solo li j'ai remarqué que c'était Baspion. Yebi ke ba Rwanda bazala ebele na mboka na biso, il parle très bien minoko na biso. Je lui ai dit en tout cas na costa langote, je l'ai bloqué directement. Il faut pas me dire il fallait petit cahier pour to non non non non. Non non non non. Parce que bato ndengo na koyi ya koya ko tchali solo moko na réseaux sociaux na yo pour te salir. Na ko lingelo ko na te. Donc je l'ai bloqué directement. Alors, mais balandaka biso na Rwanda. Bato bazo landa biso. Et voilà pourquoi nous disons que makambo biso to zo loba, banguna na biso pe bazali ko landa biso. Moi je ne dis pas que le peuple rwandais bazali ben ennemi ya ba congolais. Non. Le peuple rwandais n'est pas ennemi ya peuple congolais. Nous disons, gouvernement na bango, ba décideur na bango, sont des ennemis ya Congo. Biso tozan a problème moko na ba Rwanda te. Na yebite, si vraiment il y a un Congolais qui a traversé ba frontière na biso, a kene na Rwanda, a boma Rwandais, a violé Rwandaise. Jamais. En tout cas, na connaissance nanga, na zan information moko te. Mais toujours, chaque jour, chaque minute qui passe, il y a des Rwandais qui traversent chez nous. Soit sur les identité na biso te, baye ba violer ba na biso, baye ba bomi ba na biso, soit bazui ma belle na biso. Et to komiti kaboye jusqu'à quand? Alors, yango tozo condamné bandeko na biso, oyo bazo pesa plateau, na lobaki yango avant-hier. O bazali ko pesa plateau na ba officier rwandais o bazali ko boma biso bo pesa bango espace pour ba ya ko expliquer. C'est comme pendant la guerre mondiale ou bien pendant l'aventure ya Hitler, média moko o ezolo ba média patriotique ya ba français ba pesa plateau ba pesa espace na batu ya Hitler pour que Hitler a expliqué na ba français que nga na zo boma binote. Il faut qu'on la malade. Même si aux alliés, vous vous appelez journaliste, attention, il y a des histoires où ça il a goûté. Il y a des histoires où il dit très bien que ça va détruire. Et ce qui est dans le ça. Au monde, vraiment plateau, il y a un Américain. Plateau, il y a un Américain. Il y a un l'Ayatollah, il y a l'Iran. Il y a un espace dans le plateau, il y a un Américain. Il y a télévision, ils ont la télévision privée américaine, ils ont l'officier américain. Bah, ça y est, espace, l'Ayatollah, ou bien président d'Iran, a y a la télévision à Bango, a expliqué. Ça se passe qu'au Congo. Et zo le kakaka na Congo, et ozo mona batu, bazo bete la Bango maboko, voilà journaliste, voilà. Azopes espace na ba Rwandais, ba ya ko expliquer que bango bazo boma biso te. Et pourtant na lobaki yango ezala Satan ayebi ke bato bazo boma biso ezali bateko oyo bazali na est ya mboka na biso, ba Ougandais, ba Rwandais, ba Burundais. Tout le monde connaît. Sauf ces journalistes là, na Félix Tshisekedi na Kabila. Bango ba yebi ke ba Rwandais bazo boma bato te. Alors, il faut qu'on pèse un espace pour que bah, y a expliqué. Bah, y a ça va congolais, bah congolais bosse à la calme, bah congolais bosse à la nabiso, bah congolais biso tozo boma binoté. Alors, er bah congolais bah koya, ezam otamba malam aura fermé, bah achevé bino malam. Ce type de journaliste, il faut qu'on bannir bango. C'est ça la résistance. Ce type de journaliste, il faut qu'on pèse un bango embargo, qu'on bannir bango, qu'on landa koutouté. Mais hélas, Congolais, bisous à tous les arabes, 740 vies. Mais, babengi si Rwandais, aya, aya bisa bino, qui a abomi binote, azo violé binote, et bandi boye, 5000 vies. Na minute, 5000 vies. Ba vie wana banani, ba Rwandais, ba Congolais. Tala mitema. Ambassadeur rwandais azoloba, Congolais azotinda mitema, Congolais azotinda ba like. Mawa. Mais toko lembate, to sala boni. Toko lembate, toko continue. Toko continue. Et voilà donc, oh là là, voilà. Merci beaucoup. Peut-être pendant 20 minutes, 30 minutes, tu as commis plus de ça. Excusez-moi, il y a beaucoup à dire. Tu as katawana pour aller là. Merci Mingi, merci. Bande qu'on a Facebook, lelo même est katanité, mais tu as une assurance de que l'on est au katanité. Bon, s'inscrire na YouTube, na biso, profil Omivision. Et puis, tu as le baki. Semaine il y a les 23, je propose semaine il y a les 23 il est 30 mutunyonso akoma acha efiji acha photo acha asala vidéo ya moke même à une seconde je suis mokwege ko poster yango pour que interpeller batu oyo bakoy ko protéger ndeko na biso mokwege que azali na danger azana besoin ya protection na biso nyonso donc yango na tonyonso ba pona lelo. Au Bazali déjà na YouTube, merci Mingi vraiment. Et là, on peut s'abonner exacte. Merci pour nous s'enregistrer. Bocha kapé ba like, bocha kapé ba notification, parce que si tu es en live, tu as kobe ta porte te mbala moko, message royé la yo que tu es en live pour to solo là. Et ba OYOP, ba zana Facebook, même si méga eza passe, mais zala lam na YouTube, e vanda gana, bino pe moussousou, ba pasteur ba zolo bani, église bandit, ba pasteur ba lobi zala na kondima. Tchana nous YouTube na téléphone. Kende Luka Prof Yombi Vision. Tcha osa registré. Tcha notification evanda. Chance loko pamba mbongo kukwe loka kaboye bou lobio comme ministre. okolamuka kaka boyoka ka songo na télévision atangi oh non un tel akomi ministre ya économie lokola mwana mwasi bakomi ministre ya économie ayebaki te na vie na ye ki akoki kokoma ministre ya économie tala baye kopesa ye kafumba ya ministère oyo esimbaka mboka ministère ya économie est-ce que ayebaki yango chance eloko pamba Félix. Félix a yebaki na vie na ye. Parce que papa Félix kote azali soyo bayebi sike Félix a koma président. Nzambe. Et kien tisekele ya olamuka. Po ako kamwa. Ah! Félix ka oyonga na bote a komi président. Alors Congo eza sous Congo te. Ye moko a linga ki te Félix a zalata kantonye ya pamba. A kombo na kata ekol. A linga ki te parce que a yebaki mwana na ye. Mais chance loko pamba. Félix a lala la muka. Yaka na kinga kati. Ake na kina kati boye. Aba neo kani sake, Kabila zo pesa ye primatira kuma premier ministre. Ayo wakaka, no, premier ministre te, président. Donc, comprene mabundi Airways, e sengoni na zalaki nango, chance loko pamba. Vous comprenez? Kabund. Kabund a ye bagite ako kuma vice-président ya parlement. Kaka boye, chance loko pamba. Choko, nde makambu. Vice-président ya parlement. A ye baki ango? Ayebaka yango te, ba conseiller ya Félix, malile nyokoli bango kosukulaka bibembe kuna na ba social, esika bazalaki na diaspora. Est-ce que bayebaki bakoma ba conseiller ba bandeko zwa $17,000 par jour, par mois? Bayebaki te, chance loko pa. Yope, komitika simate, chana no YouTube, chance loko pamba, egoya. Vous me comprenez? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour na lelo. Bozala malam, bolala bien. Ba o bazali na ba mboka o bazana butu ba o bazana mboka deja bazana moi pendant la journée bonne journée à vous et to bosana docteur Mokwegete azali ndeko na biso azali papa na biso azali yaya na biso azali leki na biso et to soutenir yé aza vraiment na besoin na biso pardon to soutenir yé to linko perdre yé si côté aza patrimoine pour na biso merci beaucoup et botika la malamo pour na lelo au revoir. On commence par ici. Cette histoire.